Né à Orléans en 1873, l'authentique enfant du peuple qu'est Charles Péguy, ses brillantes études terminées, fut aux côtés de Zola et de Jaurès pour défendre le colonel Dreyfus. Et dans le même temps, il découvre sa vocation de poète sous le signe de Jeanne d'Arc, libératrice d'Orléans et de la France. Ainsi, il honorera en 1897 Jeanne d'Arc dans un long poème qui porte son nom et dont voici un extrait.